Chapitre 22. La Sage des Nibelungen dans l'Edda de Snorri. On raconte que trois des Ases, Odin, Loki et Hœnir, se mirent en route pour visiter le monde. Ils arrivèrent à une rivière dont ils suivirent les bords jusqu'à une cascade où une loutre ayant pris un saumon le dévorait joyeusement. Loki prit une pierre et la jeta sur la loutre qui l'atteignit à la tête. Loki était fier de sa chasse, parce qu'il avait abattu d'un coup une loutre et un saumon. Et ils emportèrent le saumon et la loutre. Ils parvinrent à une grande ferme, et le cultivateur qui l'habitait s'appelait Hreidmar. Et c'était un homme prodigieusement fort et connaissant bien tous les sortilèges. Les Ases lui demandèrent la permission de passer la nuit chez lui, et ils lui dirent qu'ils avaient des provisions. Et ils lui montrèrent le produit de leur chasse. Quand Hreidmar vit la loutre, il appela ses fils Fafnir et Regin pour leur dire que leur frère Odr avait été tué, et il leur indiqua ceux qui avaient fait le coup. Alors le père et ses deux fils se jetèrent sur les Ases, les saisirent, les lièrent et leur apprirent que la loutre était le fils de Hreidmar. Les Ases offrirent comme composition autant d'or que Hreidmar en pouvait désirer, et l'accord fut scellé par des serments réciproques. On écorcha la loutre, et Hreidmar, ayant pris la peau, dit qu'il fallait la remplir d'or rouge, puis la recouvrir aussi d'or extérieurement, et qu'ainsi ils achèteraient la paix. Odin envoya Loki à Schwarzalfenheim. Celui-ci se rendit auprès du nain Andvari, qui nageait dans l'eau sous forme de poisson. Loki le saisit, le retint, et lui demanda pour rançon tout l'or qu'il possédait dans ses rochers, et c'était un immense trésor. Le nain cacha sous sa main un petit anneau d'or, mais Loki le vit et lui ordonna de donner aussi l'anneau. Le nain demanda de pouvoir garder cet anneau parce que, par son moyen, il pourrait de nouveau augmenter son trésor. Mais Loki répondit qu'il ne lui laisserait rien, et lui prenant l'anneau, il s'en alla. Alors le nain dit que quiconque posséderait cet anneau le paierait de sa vie. Loki reprit qu'il pouvait en advenir ainsi qu'il le disait, mais que ce serait l'affaire de celui qui posséderait l'anneau à l'avenir. Il retourna vers la demeure de Hreidmar et montra l'or à Odin, et quand Odin vit l'anneau, il le trouva beau. Il s'en empara et donna tout le reste à Hreidmar. Il remplit la peau de la loutre aussi bien qu'il le put, et quand elle fut pleine d'or, il l'adressa, puis il se mit à la recouvrir d'or jusqu'à ce qu'elle fût cachée. Quand cela fut fait, il dit à Hreidmar de voir si la peau était complètement couverte. Hreidmar s'approcha, examina tout avec grande attention et aperçut un poil de la barbe. Il exigea qu'il fût aussi caché, que sinon le traité serait rompu. Odin prit l'anneau, en couvrit le poil et dit qu'ainsi il avait payé sa composition pour la mort de la loutre. Et quand Odin eut pris sa lance et Loki ses chaussures et qu'il n'avait plus rien à craindre, Loki dit que la prédiction d'Andvari s'accomplirait et que cet or coûterait la vie à tous ceux qui en deviendraient les maîtres. Et cela arriva ainsi. C'est pourquoi l'or s'appelle la composition de la loutre et la rançon des Ases. Quand Hreidmar eut reçu cet or comme composition pour le meurtre de son fils, Fafnir et Regin en réclamèrent une part comme composition pour la mort de leur frère, mais Hreidmar ne leur en céda pas pour un denier. Alors les deux frères s'entendirent pour tuer leur père à cause de l'or. Quand cela fut fait, Regin demanda que Fafnir lui remît la moitié du trésor. Fafnir répondit qu'il ne devait pas espérer qu'il partageât l'or avec lui, attendu qu'il avait tué son père pour le posséder, et qu'il n'avait qu'à s'éloigner s'il ne voulait point partager le sort de Hreidmar. Fafnir avait pris l'épée Roti et le casque que Hreidmar avait possédé et l'avait posé sur sa tête. Ce casque s'appelait Aegirselm et il inspirait l'épouvante à tous les humains. Regin avait pris l'épée qui s'appelait Resil et il s'enfuit en l'emportant. Fafnir se dirigea vers la Gnitaheid, s'y fit une couche, prit la forme d'un dragon et s'étendit sur l'or. Regin se rendit auprès du roi Jalprek et devint son forgeron. Il se chargea aussi de l'éducation de Sigurd, fils de Sigmund, fils de Volsung. Sa mère était Hjordis, fille du roi Eilimis. Sigurd était le plus fort de tous les rois conducteurs d'armées par sa race, par sa force et par son intelligence. Reginn lui raconta que Fafnir était couché sur son or et l'excita à s'en rendre maître. Alors Reginn forgea une épée qui s'appelait Gram et qui était si acérée que quand Sigurd la tenait dans une rivière, elle coupait un flocon de laine que le courant apportait contre son tranchant. Puis, avec cette arme, Sigurd fendit jusqu'en bas l'enclume de Reginn. Sigurd se rendit donc avec Reginn sur la bruyère sur la Gnitaheid. Et Sigurd se creusa une fosse sur le chemin que suivait Fafnir et s'y cacha. Quand Fafnir se dirigea vers l'eau en rampant, il passa sur la fosse. Sigurd le transperça de son épée et ainsi le tua. Reginn s'approcha alors et dit à Sigurd qu'il avait tué son frère et qu'il exigeait comme composition qu'il enlevât le cœur de Fafnir et qu'il le fît rôtir au feu. Puis, se courbant jusqu'à terre, Reginn but le sang de Fafnir et se coucha pour dormir. Tandis que Sigurd faisait rôtir le cœur, il crut qu'il était cuit à point et il voulut s'en assurer avec le doigt. Mais la graisse qui sortait du cœur s'attacha à son doigt et le brûla, de sorte qu'il le mit dans la bouche. Et lorsque le sang du cœur toucha sa langue, il comprit aussitôt le langage des oiseaux, et il entendit ce que disaient les aigles assis sur les branches. Le premier disait « Voilà Sigurd tout couvert de sang, et il fait rôtir au feu le cœur de Fafnir. Ce briseur de côtes de maille me paraîtrait sage s'il mangeait cette chair de vie étincelante. » Et l'autre disait « Voilà Reginn couché là-bas, et il songe comment il trompera le héros qui se confie en lui. Son esprit méchant cherche de fausses accusations. Ce forgeron de malheur pense à venger son frère. » Alors Sigurd se dirigea vers Reginn et le tua. Puis il monta sur son cheval, qui s'appelait Grani, et le conduisit à la couche de Fafnir, où il prit son or, dont il fit deux ballots qu'il attacha sur le dos de Grani. Et montant lui-même en selle, il poursuivit son chemin. C'est pourquoi on appelle l'or la couche de Fafnir, la poussière de Gnitaheid et le fardeau de Grani. Et Sigurd chevaucha jusqu'à ce qu'il arriva à une habitation située en haut d'une montagne. Il s'y trouvait une femme endormie, revêtue d'une cotte de maille et d'un haume. Il tira son épée et fendit la cotte de maille. Elle s'éveilla et dit qu'elle s'appelait Hilde. Son nom était Brunhilde et c'était une valkyrie. Sigurd s'en alla chevauchant et arriva auprès d'un roi qui s'appelait Gjuki. Sa femme avait nom Grimhild. Ses enfants étaient Gunnar, Hugni, Gudrun et Gudni. Guttorm était le beau-fils de Gjuki. Sigurd demeura là longtemps. Il s'éprit de Gudrun, la fille de Gjuki, et Gunnar et Hugni jurèrent amitié à Sigurd. Et alors Sigurd accompagna les fils de Gjuki chez Atli, fils de Budli, pour obtenir la main de sa sœur Brunhilde en faveur de Gunnar. Elle habitait la montagne d'Indaberg. Son bourg était entouré de Vafurlogi, le feu aux langues de flamme, et elle avait fait le serment de n'aimer que l'homme qui oserait chevaucher à travers Vafurlogi, le feu aux langues de flamme. Sigurd chevaucha vers le sommet de la montagne avec les Gjukungen, qui s'appelaient aussi Niflungen, et Gunnar devait passer à cheval à travers Vafurlogi. Il montait le cheval Goti, mais ce cheval n'osa point s'élancer à travers les flammes. Alors Sigurd prit la forme et le nom de Gunnar, car Grani, le bon coursier, ne voulait porter qu'un seul homme au monde, et c'était Sigurd. Sigurd monta donc Grani et traversa Vafurlogi, le feu aux langues de flamme. Le même soir, il célébra ses fiançailles avec Brunhilde, et quand ils se mirent au lit, il tira l'épée Gram du fourreau et la posa entre eux deux. Le matin, quand il se fut levé et revêtu de son armure, il donna à Brunhilde, comme Morgengabe, l'anneau d'or que Loki avait enlevé à Andvari, et il reçut d'elle un autre anneau en échange comme souvenir. Après cela, Sigurd monta sur son cheval et chevaucha vers ses compagnons. Gunnar et lui reprirent de nouveau la forme l'un de l'autre, et Gunnar se rendit avec Brunhild chez le roi Gjuki. Sigurd eut deux enfants de Gudrun, Sigmund et Svanhild. Il arriva un jour que Brunhild et Gudrun se rendirent au bain pour laver leurs cheveux. Quand elles arrivèrent au fleuve, Brunhild s'éloigna du rivage et s'avança plus avant dans le courant. Elle ne voulait point, disait-elle, que sa tête fût mouillée par l'eau qui découlait des cheveux de Gudrun, attendu que son mari était plus brave que celui de Gudrun. Gudrun alla se placer à côté d'elle dans la rivière, et elle dit qu'elle pouvait bien laver ses cheveux au-dessus d'elle, vu que son époux dépassait en valeur Egunar et tout autre guerrier, car il avait tué Fafnir et Regin et leur avait enlevé leur trésor à tous deux. Brunhilde répondit, « Gunnar a fait bien plus. Il a traversé, chevauchant, Vafurlogi, le feu aux langues de flammes, ce que n'a pas osé faire Sigurd. » Gudrun se mit à rire et dit, « Crois-tu vraiment que Gunnar ait chevauché à travers Vafurlogi? Je crois, moi, que celui-là partagea ta couche qui m'a donné cet anneau d'or. Quant à l'anneau que tu portes au doigt et que tu reçus comme Morgengab, il s'appelle Andvaranaut, et je ne crois pas que ce soit Gunnar qui l'ait enlevé sur la bruyère, sur la Gnitaheid. » Brunhilde se tut et rentra en sa demeure. Ensuite, elle poussa Gunnar et Hugni à tuer Sigurd. Mais comme ils lui avaient juré amitié, ils chargèrent leur frère Guttorm de porter le coup. Guttorm transperça Sigurd de son épée, tandis qu'il était endormi. Mais quand le héros reçut la blessure, il saisit son épégramme, la lança vers le meurtrier et le coupa en deux. Ainsi succombèrent Sigurd et son fils Sigmund, âgés de 3 ans, qu'ils tuèrent aussi. Ensuite, Brunhilde se plongea une épée dans le cœur, et elle fut brûlée avec Sigurd. Gunnar et Hugni s'emparèrent du trésor, héritage de Fafnir, et de l'anneau Andvaranaut, et gouvernèrent le pays. Le roi Atli, fils de Budli et frère de Brunhilde, prit pour femme Gudrun, qui avait été l'épouse de Sigurd, et ils eurent des enfants ensemble. Le roi Atli invita Gunnar et Hugni à se rendre auprès de lui, et ils acceptèrent son invitation. Mais avant de partir, ils descendirent le trésor, l'héritage de Fafnir, dans le Rhin, et depuis lors, jamais plus on ne retrouva cet or. Le roi Atli avait rassemblé une puissante armée, avec laquelle il attaqua Gunnar et Hugni. Tous deux furent faits prisonniers, et le roi Atli fit couper le cœur de Hugni hors de sa poitrine, tandis qu'il vivait encore. Ainsi périt ce guerrier. Gunnar fut jeté dans la fosse aux serpents, mais on lui apporta en secret une harpe dont il joua avec les doigts de ses pieds, parce que ses mains étaient liées. Il endormit ainsi tous les serpents, sauf une vipère qui, rampant sur son corps, le mordit à la poitrine, mit la tête dans la blessure et se mit à ronger son foie jusqu'à ce qu'il fût mort. Gunnar et Hugni étaient nommés Niflungen ou Gjukungen, et c'est pour ce motif qu'on appelle l'or le trésor ou l'héritage des Niflungen. Bientôt après, Gudrun tua ses deux fils et fit monter leurs crânes en or et en argent, en forme de coupes à boire. Alors furent célébrées les funérailles des Niflungen. Et en cette circonstance, Gudrun fit servir à Atli, dans ses coupes, de l'hydromel auquel était mêlé le sang des jeunes enfants, et elle fit rôtir leur cœur et les donna à manger au roi. Et quand cela fut fait, elle dit tout à Atli avec des paroles de haine et de fureur. De l'hydromel très fort avait été servi en abondance, de manière que la plupart de ceux qui assistaient au banquet s'endormirent. Pendant la nuit, elle se rendit avec le fils d'Eugni auprès du roi, pendant qu'il dormait. Ils le tuèrent, et ainsi il quitta la vie. Puis ils jetèrent du feu dans la vaste salle et brûlèrent tous ceux qui s'y trouvaient. Ensuite, elle se dirigea vers la mer et se jeta dans les flots pour s'y noyer. Mais les vagues la portèrent au-delà du golfe, dans le pays qui appartenait au roi Jonakur. Quand celui-ci la vit, il la prit auprès de lui et l'épousa. Ils eurent 3 fils, dont les noms étaient Zoli, Hamdir et Erp. Ils avaient les cheveux aussi noirs que l'aile du corbeau, comme les avaient Gunnar, Hugni et les autres Niflungen.